Il fallait écraser les vieilleries, mettre le feu à la plaine, détruire pour mieux reconstruire. Les expressions imagées ne manquent pas pour symboliser la révolution culturelle chinoise, un événement inouï dans un pays qui était communiste depuis moins de 20 ans. Car tout s'est passé comme si le Parti communiste chinois s'était dévoré lui-même. Ce mouvement d'une violence inattendue en effet surgit au sein même des instances communistes, et c'est Mao Zedong en personne qui a donné l'impulsion originale et qui a ensuite tenté de contrôler tant bien que mal le cours de ce torrent qu'il avait lui-même libéré. En fait, c'est ce que nous a dit M. X la semaine passée, sous les apparences de grands guignols souvent prises par la révolution culturelle, il s'est agi essentiellement d'une banale lutte pour le pouvoir. En effet, contre toute attente, Mao, le grand timonier, le père de la révolution de 1949, avait été peu à peu mis à l'écart, payant ainsi ses erreurs, et d'abord celle du grand bond en avant, une initiative révolutionnaire destinée à galvaniser les énergies, mais qui a condamné à la famine des millions de Chinois. Symboliquement retiré à Shanghai, remplacé à la tête de l'État par Liu Shaoqi, son dauphin, Mao ronge son frein et prépare son retour. Pour réussir son coup d'État, car c'est bien de cela qu'il s'agit, il s'appuie sur l'armée noyautée par Lin Biao, les forces de sécurité du redoutable Kang Chen, le maître des services secrets, et surtout sur l'exaltation de la jeunesse, une classe d'âge frustrée qui, n'ayant pas connu la ferveur de la révolution de 1949, a soif de reconnaissance et d'héroïsme et voue un véritable culte au grand timonier. Un dernier mot avant d'écouter la suite du récit de M. X. L'adjectif « culturel » ne doit pas faire illusion. Si cette révolution est culturelle, c'est qu'elle a commencé par la critique virulente d'une médiocre pièce de théâtre autorisée par la municipalité de Pékin. Un prétexte brandi par la sinistre bande des quatre pour mettre en cause les dirigeants en place et les traîner dans la boue, en plein accord avec Mao, bien évidemment. On a aujourd'hui du mal à imaginer l'enthousiasme soulevé dans la jeunesse par la révolution culturelle. Son côté spontané... Même si, bien sûr, le mouvement résulte d'abord de la volonté de Mao de reprendre le pouvoir. Mais soudain, les jeunes se sont sentis libérés. Ils jouissaient d'un seul coup de tous les pouvoirs. Ah, ils pouvaient faire n'importe quoi. C'est à peu près ça. Ils avaient désormais le droit de ridiculiser tous ceux qui possédaient un brin d'autorité, de les humilier, de les battre, et même, malheureusement, parfois, de les mettre à mort. Tous ces excès étaient reconnus et même justifiés par un décret du comité central. Personne ne pouvait s'y opposer. Autre conséquence désastreuse, ces jeunes déchaînés se sont aussi attaqués à tous les symboles du passé. Ouais, mais du passé, faisons table rase, hein, ouais. Pour reprendre les mots de l'international. Et les jeunes Chinois ont pris l'expression au pied de la lettre. Ils ont détruit de nombreux témoignages de l'art et de la culture. Ils ont brûlé des livres, saccagé des monuments. Au Tibet, dont on parle tant aujourd'hui, ils ont par exemple vandalisé des centaines, peut-être même des milliers de temples. Exception notable, Mao, personnellement, a empêché que les jeunes révolutionnaires s'en prennent à la cité interdite de Pékin. Le siège de l'ancien pouvoir impérial. Et un véritable joyau architectural. Et pour Mao, c'était aussi une décision politique. Parce que le nouvel empereur, c'était lui. Il faut noter que la révolution culturelle est aussi à l'origine d'une nouvelle religion. Le culte de Mao. Oui, certes, le grand timonier était déjà l'objet d'un véritable culte de la personnalité, mais on n'avait encore jamais vu ça. Mao était désormais quasiment déifié. Sa pensée avait un caractère de texte sacré, et le petit livre rouge, brandi à tout propos, était dorénavant vénéré à l'égal d'un talisman. En même temps... Il y a l'exaltation de la fierté chinoise. Incontestablement. Hein. D'autant que face au révisionnisme soviétique, les jeunes Chinois ont le sentiment d'être les seuls à célébrer l'idéal de la révolution. Leur combat est donc mondial et leur responsabilité devient internationale. Alors, voyons ça plus précisément. Attendez avant d'aller plus loin, là. Ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est la passivité des hommes en place face à l'offensive maoïste, parce que ils se sont laissés faire, non? C'est vrai. D'abord, je vous l'ai dit, il y avait le prestige de Mao. Oui, même tenu à l'écart. Oui, difficile de l'affronter publiquement et de lui dire ses quatre vérités en face, parce que c'était quand même le pilier et le symbole de la nouvelle Chine. Mais il était donc malaisé, sinon impossible, de se débarrasser de lui. D'accord, mais il ne détenait plus la réalité du pouvoir. Apparemment. car ne l'oubliez pas, il y avait l'armée qui, grâce à Lin Biao, lui était acquise. Mais vous avez raison, les Deng Xiaoping et Liu Shaoqi se sont effacés très rapidement et pratiquement sans combattre. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le complot est étourdi à l'intérieur même de l'appareil qui faisait leur force. Au fond, ils n'ont même pas eu le temps de se méfier. Et quand ils ont enfin perçu le danger, ben, il était trop tard pour réagir et se battre. Ah, ils étaient déjà vaincus. Oui, et là je voudrais faire une remarque essentielle. La révolution culturelle a été sanglante et impitoyable. Mais beaucoup de dirigeants ont été épargnés, à la différence de ce qu'il s'était passé plus tôt en URSS. Ces hommes n'ont pas été exécutés. Ils ont quand même été traités assez durement. Le président Liu Shaoqi a sombré dans la folie. Bah, il n'a pas supporté son enfermement. Et les mauvais traitements qu'on lui a infligés. Hein. Enfin, nombre d'autres ont été simplement envoyés à la campagne et contraints de travailler de leurs mains. Quelle clémence. Bon, en tout cas, ils ont sauvé leur vie. Et lorsque les remous de la révolution culturelle se sont apaisés, bah, ils ont refait surface et certains sont même revenus au premier plan. Comme Deng Xiaoping. Hein. Oui, c'est en effet l'exemple le plus notable. Donc pas de purge stalinienne. Ce qui ne doit pas faire oublier l'incroyable cruauté avec laquelle ont été traités des milliers et des milliers de cadres et de responsables régionaux. Alors, vous proposez de voir de plus près le déroulement de la révolution culturelle. C'est pendant l'été 1966 que le mouvement éclot réellement et qu'on voit apparaître les gardes rouges. Et le grand chambardement se produit aussitôt. Hein. Cependant, certains secteurs demeurent à l'écart du tumulte. Il en est ainsi de l'armée, de la paysannerie et surtout de l'industrie nucléaire. Ça me paraît plutôt sage. Et ça montre que l'anarchie reste relativement contrôlée. L'armée, bon, ça s'explique très bien. Mao s'est appuyé sur la troupe pour faire peur à ses ennemis. La paysannerie, bah, ça se comprend aussi. Il n'est pas question de provoquer une nouvelle famine. Quant à l'industrie nucléaire, on aurait pu craindre le pire si les gardes rouges y avaient semé le désordre. Oui. On a donc établi, là, un peu partout, des garde-fous. Oui, mais partout d'ailleurs, c'est le chaos. Les villes sont paralysées par des grèves, les usines cessent toute activité et la violence s'est généralisée. Vous avez sans doute en mémoire ces terribles images de vieillards, pancartes infamantes accrochées au cou qui étaient obligés de faire leur autocritique sous les quolibets et les coups d'une foule déchaînée. Ouais, difficile à oublier. Hein. En même temps, c'était presque obligatoire. Des dissensions apparaissent chez les gardes rouges. Et ça ira même très loin puisque ces rivalités entraîneront des affrontements physiques entre les différentes factions. Aussi, dès le début de l'année 67, il apparaît nécessaire de rétablir un semblant d'ordre. Mais le mouvement n'est-il pas allé trop loin ? C'est en effet le danger qui menace la Chine. Et face au débordement, il existe une seule force capable de s'interposer. L'armée. Bien évidemment, l'armée qui se pose en arbitre. Et ce n'est pas un hasard si dans les comités révolutionnaires qui se créent au début de cette année 1967, on trouve de nombreux militaires. Ouais. Et ces comités révolutionnaires-là, quel est leur rôle ? Au niveau local, ce sont les nouveaux organes du pouvoir. Ils remplacent à la fois l'ancienne administration et le parti. Et on y trouve donc, à côté de ceux qu'on appelle les rebelles révolutionnaires, des militaires. Mais est-ce que ça veut dire que Mao a décidé de siffler la fin de la partie ? Non, pas encore, car la révolution culturelle est alors loin d'être terminée. Mais manifestement, il faut faire une pause. Et ici, un homme occupe une place éminente. Qui a ? Zhou Enlai. C'est le seul dirigeant de l'ancienne direction qui a réussi à surnager. Et il le doit à son exceptionnelle habileté. Ouais, d'accord, mais enfin, ça ne suffit pas toujours. Hein. Deng Xiaoping était aussi un homme habile. Oui, mais Zhou, lui, a sans doute compris plus vite que les autres. Et il a pris rapidement le train en marche. Ah, le train de la révolution culturelle. Exactement, il a affiché aussitôt son fidèle et total attachement à Mao, son vieux compagnon de lutte. Et ça lui a suffi pour passer à travers les gouttes ? Mao avait besoin de lui. C'était sa meilleure protection. Mais attendez, besoin pour quelle tâche ? Le grand timonier s'est toujours débrouillé pour avoir deux fers au feu. À l'extrême gauche, il avait chapeautant les gardes rouges et même les excitant sans cesse, la bande des quatre. Et donc Madame Mao, Jianqing. Hein, et pour équilibrer cette furia révolutionnaire, il comptait sur le très raisonnable Zhou Enlai, qui, à l'inverse des enragés de la bande des quatre, prêchait la modération. C'était risqué, hein ? Et même courageux. Mais Zhou n'a pas été le seul à s'opposer aux excès des gardes rouges. Ainsi, le vieux maréchal Chen Yi, chahuté par ces jeunes gens, leur a rétorqué « Au lieu de vous en prendre à moi, vous feriez mieux d'aller combattre les Américains au Vietnam. » Belle répartie, oui. Et parfois, c'est allé beaucoup plus loin. Des responsables régionaux exaspérés ont fait tirer au canon sur les hordes de gardes rouges qui semaient le désordre chez eux. Quoi qu'il en soit, La situation du pays méritait d'être clarifiée. Et pour Mao, en cet été 1967, l'alternative se posait ainsi. Fallait-il en finir ou non avec la révolution culturelle? Monsieur X l'a décrit comme un homme raisonnable. Zhou Enlai, le seul dirigeant d'envergure à n'avoir pas souffert des purges de la révolution culturelle. Dans son célèbre livre « Les habits neufs du président Mao » paru en 1971, Simon Less, toujours lucide, en parle ainsi. Zhou avait un perpétuel besoin de séduire. Je ne parle pas ici de son comportement envers les dames, dont on nous assure qu'il fut toujours irréprochable, et qui d'ailleurs ne nous regarde en rien. Je veux simplement dire qu'à ses yeux même, le plus infime, bête et débile des interlocuteurs pouvait encore justifier une mobilisation spéciale de toutes les ressources de son célèbre magnétisme personnel. Je parle d'expérience, une expérience que des milliers et des milliers de visiteurs enthousiastes partagèrent au fil des années, instituteurs venus de Zanzibar, syndicalistes de Tasmanie, femmes progressistes de Laponie, le pape lui-même ne consacre pas autant d'heures à s'entretenir avec d'aussi hétéroclites processions de pèlerins. Zhou fut également le suprême zélige de la politique. Il faisait montre de tolérance, d'urbanité et de souplesse quand il avait affaire à de courtoises personnalités libérales d'accident. Il savait suer le venin et cracher le feu pour se mettre au diapason de haineux chefs d'État du tiers-monde. Il devenait cultivé et raffiné en présence d'artistes. Il était pragmatique avec les pragmatistes, philosophique avec les philosophes et kissingérien avec Kissinger. Alors, un an après le déclenchement de la révolution culturelle, Mao devait choisir, avez-vous dit. Et c'était d'autant plus urgent que la guerre civile menaçait. L'armée, réorganisée par le maréchal Lin Biao, et qui avait été le fer de lance du retour de Mao, devient à son tour l'une des cibles des gardes rouges. Pourquoi, là? Parce qu'il lui est justement reproché d'étouffer l'élan de la révolution culturelle et de s'opposer localement aux violentes initiatives des gardes rouges. Un seul exemple, mais très révélateur, celui de Wuhan. Dans cette grande cité industrielle de la Chine centrale, le désordre est à son comble. Dès le début de l'été 67, deux groupes rivaux s'affrontent. Mais des groupes de gardes rouges. Oui, et ça risque à tout moment de dégénérer. La situation est si tendue que le commandant militaire régional doit intervenir. Et il choisit de se ranger aux côtés de l'une de ces deux organisations. Malheureusement, à Pékin, l'instance suprême de la révolution culturelle penche pour le groupe rival. Il est donc décidé d'envoyer à Wuhan des missiles Dominici. Mais ces hommes sont à peine arrivés dans la cité, qui sont embastillés par le général qui commande l'armée. On assiste donc à une sorte de putsch, hein ? C'est exactement cela. Mais des troupes demeurées loyales à Pékin vont intervenir, libérer les délégués qui seront ensuite triomphalement reçus à Pékin. Mais il est certain qu'on est passé là à côté d'un incident extrêmement grave qui aurait pu se transformer en guerre civile. Quoi qu'il en soit, l'incident de Wuhan permet à Jiang Qing et à ses amis de la bande des quatre de mettre violemment en cause l'armée et ses chefs. Alors, dont Lin Biao. En effet. Au reste, il faut aussi souligner que l'armée n'est pas homogène. Elle n'a pu échapper au tiraillement qui affecte toute la société chinoise. Et le choix de Mao, alors, vous ne m'avez pas répondu. Hein. Un peu de patience, j'y viens. Mao, par tempérament, serait plutôt partisan de rétablir le calme et de remettre le pays en ordre de marche. Pour avoir quand même semé lui-même les graines du désordre. Ah, mais c'était le prix à payer pour obtenir son retour au pouvoir. Cependant, peut-il apaiser les tensions et en finir avec les excès? Manifestement, c'est pratiquement impossible. Tout au long de l'été, c'est un véritable orage gauchiste qui déferle sur le pays. Zhou Enlai lui-même a le plus grand mal à résister aux attaques dont il est l'objet. Et puis, avez-vous dit, l'armée, qui pouvait être le garant de l'ordre, est de plus en plus critiquée. Et tandis que les journaux de Pékin, sous l'influence de la bande des quatre, publient des proclamations incendiaires en appelant par exemple la population à exterminer les rats qui courent dans les rues. Les rats, c'est-à-dire les ennemis de la révolution culturelle? Bien évidemment. Alors, d'abord contraint à l'impuissance, Mao laisse faire. Mais déjà, il songe à recourir au bâton. Premier geste symbolique. il ordonne l'arrestation de quelques personnages radicaux proches de son épouse. Ça, c'est un avertissement ? Ah, parfaitement. Et ça continue dès le début de l'automne 67 par une sévère reprise en main de l'armée. Alors, sous l'autorité du maréchal Lin Biao, là. Oui, hein. Oui. Un instant ébranlé, le chef de l'armée populaire revient au premier plan. Un tiers des commissaires politiques est victime d'une épuration sans précédent. En même temps, Zhuang Lai, aussi requinqué, ordonne aux gardes rouges de rentrer dans leurs écoles et de s'abstenir de toute intervention au milieu ouvrier. Mais est-il écouté? Et surtout, la fièvre peut-elle retomber après une telle éruption de violence? Ben, il faut bien, car l'armée veille. D'ailleurs, Mao lui-même monte au créneau. Il demande à tous les jeunes qui ont illégalement envahi les villes de revenir dans leur campagne natale. La discipline est aussi de retour dans les établissements scolaires. Lorsqu'il le faut, des milices ouvrières sont envoyées dans les facultés avec l'ordre de mettre au pas les étudiants rebelles. Par la force, alors ? Éventuellement, oui. Mm-hmm. Car un peu partout dans le pays, la répression se met en place. Les héros d'hier sont durement frappés. On assiste à de véritables massacres de gardes rouges dans certaines villes du Sud. On tire au canon contre les récalcitrants et parfois l'armée utilise même des obus au napalm pour réduire les rebelles. C'est une vraie campagne de terreur, là. Un homme en particulier se signale par sa brutalité. Hua Guofeng, futur président du parti qui, en liquidant des dizaines de milliers de jeunes gens, gagnera à jamais le surnom de boucher du Hunan. C'est la région natale de Mao. Oui. Hein, ouais. Ces massacres systématiques sont d'une telle ampleur que les historiens estiment aujourd'hui qu'ils ont causé plus de victimes que la révolution culturelle proprement dite. Il faut aussi noter que pour éradiquer tous les ferments de rébellion, les éléments les plus remous sont envoyés à la campagne. Afin de se rééduquer, comme on disait tout à l'heure. Et ils seront des millions à se ruraliser, pardonnez-moi ce barbarisme, de force dans des centres de réhabilitation. Certains y resteront de nombreuses années. Alors, pour le pouvoir, au fond, la campagne, c'est donc l'exutoire, hein, car les intellectuels, puis les dirigeants chassés par la révolution culturelle, ont aussi fait cette expérience. Oui, hein. Oui, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on l'envoie à la campagne, ou pire, dans les Laogai, c'est-à-dire les goulags chinois. Qui sont eux aussi situés à la campagne. Bien entendu. Et face à ce phénomène, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passera plus tard au Cambodge. Voilà, ce vaste exil forcé des citadins vers les campagnes. Hein. Incontestablement, les futurs Khmers rouges ont trouvé là un modèle. Ouais. Et alors, face à ce brutal retour de bâton, comment réagissent les dirigeants les plus radicaux, à commencer par les membres de la bande des quatre? Eh bien, qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent faire profil bas. Même Madame Mao? Même elle, oui. Et ces pionniers de la révolution culturelle sont fermement invités à faire le ménage dans leur propre rang. C'est-à-dire? Ben, il leur faut chasser leurs sympathisants qui s'opposent à la nouvelle politique du pouvoir. Ouais. Et ils s'inclinent? Oui. Et certains font même preuve d'une servilité tout à fait remarquable et ils renient leurs amis d'hier. Il en est ainsi de Jiang Qing qui multiplie les signes d'allégeance à son époux. Ouais. Donc maintenant, c'est un véritable pouvoir militaire qui règne alors sur la Chine. Et pour beaucoup d'observateurs avisés, il ne fait nul doute que le successeur de Mao Zedong sera Lin Biao, le maître de cette armée toute puissante. Ouais. Mais est-ce que la révolution culturelle est pour autant terminée? Eh bien non. Certes, les gardes rouges sont contraints à l'autodissolution à l'automne 68. Mais la violence qu'ils exerçaient les dorénavant par le pouvoir et l'armée. Pour le reste, rien n'a vraiment changé. Le culte de Mao et de son petit livre rouge est plus vivant que jamais. Et surtout, il est toujours question de purification idéologique, de révolution et de mobilisation des énergies. La meilleure preuve en est donnée par la réforme de l'enseignement entreprise par Mao. De quoi s'agit-il, là ? Pour le grand timonier et ses affidés, la Chine doit devenir tout entière une gigantesque salle de classe. Ça signifie naturellement que l'ancien système scolaire doit être d'abord aboli. Ainsi, les examens sont supprimés. Quant aux maîtres, ils ne sont plus choisis en fonction de leur capacité pédagogique, mais uniquement en raison de leurs compétences politiques. Ah oui, et donc de leur fidélité au président Mao. Ah, évidemment. Et le petit livre rouge devient bien sûr le catéchisme de la nouvelle religion. Ouais, en d'autres termes, c'est du bourrage de crâne. Et on ne peut que s'étonner que tant d'intellectuels occidentaux se soit ensuite laissé séduire par un système aussi primaire. Mais si vous m'en laissez le temps, je reviendrai brièvement sur ce point. En attendant, je dois aussi vous dire que Mao, après ce brusque coup de barre vers l'ordre, corrige aussitôt le tir. Au beau milieu de l'année 68, Jiang Qing revient en grâce. Elle est même promue à la vice-présidence du GRC, le groupe de la révolution culturelle, qui est l'instance suprême du pouvoir. Et qui est entièrement dévouée à Mao. Bien entendu, puisqu'il en est le chef. Madame Mao peut donc à nouveau sévir, prendre des décisions en matière culturelle plus absurdes les unes que les autres, et surtout faire et défaire des carrières politiques au gré de ses humeurs. Elle a en particulier une obsession. Casser tous ceux qui peuvent témoigner de son passé d'actrice. Quoi, elle en a honte ? D'abord parce qu'elle n'a jamais été une star, et qu'ensuite, sa carrière artistique a été favorisée par différents protecteurs qu'elle a rencontrés. Ouais, c'était une demi-mondaine. Très certainement. Enfin, restons-en là. En tout cas, vous l'avez compris, Mao, en replaçant au premier plan sa compagne officielle, a de nouveau soufflé le chaud et le froid. Et c'est loin d'être terminé. Petit retour sur la terrible répression qui s'est abattue sur les gardes rouges durant l'année 1968. Dans l'ouvrage collectif « Le livre noir du communisme », j'ai trouvé ce témoignage d'un tout jeune homme qui avait été un ardent partisan de la révolution culturelle. Dès que le jour se leva, les miliciens commencèrent à fouiller les maisons et à procéder aux arrestations. Au même moment, les militaires se mirent à diffuser leurs directives par haut-parleurs. Ils avaient dressé une liste de 10 crimes, parmi lesquels on pouvait relever s'être emparé d'une prison, avoir occupé une banque, avoir attaqué des organes militaires, avoir pénétré de force dans les bureaux de la sécurité publique, avoir pillé les trains, avoir participé à la lutte armée, etc. Il suffisait d'avoir commis n'importe lequel de ces crimes pour être arrêté et jugé selon la dictature du prolétariat. Je fis un rapide calcul et je m'aperçus que j'avais à mon actif 6 de ces chefs d'accusation. Mais lequel d'entre eux n'avait pas été commis pour les besoins de la Révolution ? Aucune de ces activités ne m'avait procuré d'avantage personnel. Si je n'avais pas voulu faire la Révolution, je ne me serais livré à aucun de ces actes criminels. Aujourd'hui, on voulait me faire endosser leur entière responsabilité. Cela me paraissait injuste et en même temps m'emplissait de frayeur. Par la suite, j'ai appris que les miliciens avaient fait périr certains de nos héros de combat. Puis ils avaient sectionné les tuyaux d'arrivée de sang ou d'oxygène de ceux qui étaient sous perfusion, faisant de nouvelles victimes. Ceux qui pouvaient encore marcher se virent supprimer tout médicament et on les emmena dans les prisons provisoires. Cependant, malgré le retour de Madame Mao et le bouleversement introduit dans l'enseignement, il est certain que la révolution culturelle vive à ses derniers jours. Et fin 1969, il en sera fini de ce GRC. GRC, le groupe de la révolution culturelle. Hein. Ouais. Et un chiffre est particulièrement éloquent. Plus de 50% des membres du nouveau Politburo sont des militaires, et ils sont juste un petit peu moins au comité central. Et pour tous ces gens-là, là, ben, il n'est plus question de révolution culturelle. Alors. D'autant moins qu'il y a parmi eux des hommes qui ont subi les humiliations des gardes rouges. Et ces gens-là sont presque naturellement portés à poursuivre la répression exercée contre les tenants de la révolution culturelle. Parce que ça continue. Oui, oui, mais enfin, seule différence, cette répression est maintenant mieux organisée. Mais quoi, l'ordre règne. Et il est féroce. Jamais on n'a autant exécuté en Chine. Et avec cet ordre nouveau, les dirigeants en place relancent une économie naufragée pendant les 3 dernières années. Quoi, à cause de la gabegie et de la paralysie engendrée par la révolution culturelle. Naturellement. Mmh. C'est surtout évident dans l'industrie, car je vous l'ai dit, les campagnes avaient généralement été épargnées par le désordre. Mmh. D'une certaine façon, alors, on peut donc dire que Mao a gagné sur tous les plans. Il est redevenu le tout-puissant numéro 1 et il a éliminé tous ceux qui pouvaient éventuellement lui faire de l'ombre. Vous avez raison, mais ça ne lui suffit pas encore. Un tyran, quel qu'il soit, supporte difficilement de devoir sa victoire à quelqu'un. Et dans la plupart des cas, il finit par supprimer ceux qui l'ont aidé à gravir les marches de pouvoir. Et alors ça va être le cas ? Ben forcément. Et celui qui est le premier concerné, c'est bien sûr Lin Biao. Non seulement Mao n'a plus besoin de lui, mais le maréchal ose se poser de plus en plus comme le successeur évident du grand timonier. Et celui-ci ne supporte pas. Ben c'est humain, si je puis dire. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre De Gaulle et Pompidou. Lorsque celui-ci s'est permis de dire qu'il serait le temps venu candidat à la présidence de la République. Ouais. Curieuse comparaison. Pourtant que ça, mais enfin, poursuivons. Mao, après la terrible normalisation qui a suivi la fin réelle de la révolution culturelle, va donc mettre tout en œuvre pour se débarrasser du chef de l'armée. Pour lui, c'est d'autant plus urgent qu'il soupçonne Lin Biao d'essayer de le momifier vivant. C'est-à-dire là. Ben, le maréchal ne cesse de le déifier. Pour Mao, ça cache quelque chose. Et il croit comprendre. Lin Biao veut en faire un président potiche. Une icône perchée sur un piédestal et qui n'exercerait plus la réalité du pouvoir. Un président d'honneur. C'est ça. Ah ben, et Mao ne supporte pas. Mais comment va-t-il procéder pour éliminer Lin Biao? Ben, comme d'habitude, avec une grande habileté. L'inamovible Zhuang Lai est appelé à la rescousse. Il est chargé de préparer l'affaire. Il est d'abord facile de regrouper tous les adversaires du maréchal. Et ils sont nombreux. Lin Biao, au cours de son irrésistible ascension, s'est attiré beaucoup d'inimitiés, en particulier parmi les généraux. Et puis il y a la fameuse bande des quatre qui n'a toujours pas digéré la répression exercée par l'armée contre les gardes rouges. Jiang Qing va donc une nouvelle fois user de son pouvoir de nuisance. Ben, ça n'est pas très difficile de l'activer. Mais je suis à peu près sûr que le véritable homme fort de la bande des quatre, Kang Cheng, a joué un rôle. Kang Cheng, le chef des services secrets. Hein. Oui, celui qu'on appelait aussi le maître des ombres. Je regrette de ne pas avoir assez de temps pour vous parler plus longuement de ce personnage aussi effrayant qu'extraordinaire. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Savez-vous que cet homme est à l'origine de l'une des plus étonnantes réalisations de la révolution culturelle? La construction d'une ville souterraine dans le sous-sol de Pékin. J'en ai jamais entendu parler, là. Et pourtant, cette ville souterraine existe bel et bien. Prévue pour abriter la population de Pékin en cas de guerre nucléaire, par exemple, elle répondait aussi à un objectif stratégique. Permettre aux troupes de surgir le plus rapidement possible et dans le plus grand secret au cœur de la ville. Et ça servira plus tard, lors des massacres de la place Tiananmen. Mais là, je m'éloigne. Ce qui me fait penser que Kang Cheng a joué un rôle dans l'élimination de Lin Biao, c'est que celui-ci est tombé dans un piège particulièrement machiavélique. Vous comptez, hein ? Politiquement affaibli au sein du comité central par les manœuvres de Zhuang Lai, Lin Biao a ensuite été accusé d'avoir fomenté un complot contre Mao Zedong. Un vrai ou un faux complot ? Bon, à mon avis, ce projet de coup d'État était imaginaire, mais c'est la suite qui est intéressante. Sur le point d'être découvert, Lin Biao aurait choisi de fuir en URSS. Mais l'avion militaire dans lequel il serait monté aurait été victime d'une panne de carburant et se serait écrasé aux confins de la Chine. Et si vous utilisez le conditionnel, c'est que vous ne croyez guère à cette version. En effet. Je crois plutôt que Lin Biao a été purement et simplement assassiné par des séides de Kang Cheng. Le reste, c'est du maquillage. En tout cas, Mao en a profité pour procéder à une nouvelle purge au sein de l'armée et plusieurs centaines de généraux ont disparu à l'occasion. Oui. Ce Kang Cheng, là, ne représentait-il pas aussi un danger pour Mao? Certainement. Mais Mao, qui s'en méfiait, avait toujours réussi à le tenir à distance. Et puis c'était difficile de se débarrasser d'un homme qui connaissait tant de secrets et qui avait toujours surnagé, malgré les disgrâces successives qu'il avait connues. Et c'est finalement le cancer qui aura raison de lui. Alors, la suite, à grands traits, si vous le voulez bien. Avec la mort de Lin Biao en 1971, la révolution culturelle est moribonde. D'ailleurs, bientôt, on ne tarde pas à voir réapparaître Deng Xiaoping. Ouais, Deng, le futur maître de la Chine. Et le véritable artisan de la construction de cette Chine, à la fois communiste et capitaliste, que nous connaissons aujourd'hui. Mao, lui, vieillit. Et vieillit très mal. Il faut quand même observer que c'est ce vieillard paranoïaque qui vit entouré d'un essaim de très jeunes filles qui fera franchir un pas considérable à son pays en inaugurant le rapprochement avec les États-Unis. La fameuse visite de Nixon. En 1971, oui. Ouais. Un rapprochement tactique dirigé contre l'impérialisme, reprend l'expression chinoise, hein, l'impérialisme soviétique. Hein. L'ennemi commun. Mais peu à peu, les acteurs de cette période inouïe de la révolution culturelle disparaissent les uns après les autres. Après Kang Cheng, Zhuang Lai s'éteint au début de l'année 1976, victime lui aussi d'un cancer. Dernier caprice d'un vieillard acariâtre, Mao lui refuse des obsèques officielles. Alors que Zhu a sans doute été son compagnon le plus fidèle. Hein. Mais Mao lui-même n'en a plus pour longtemps. Quelques mois plus tard, en novembre, il succombe à son tour. Son épouse, Jiang Qing, essaie en vain de lui succéder, mais Deng Xiaoping veille et elle échoue. Et plus tard, elle sera jugée. Hein. En 1980. Avec ses complices de la bande des quatre. Un procès qui est aussi une sorte d'exorcisme. Mais pour en finir avec les monstruosités de la révolution culturelle. Oui, Jiang Qing est condamné à mort, mais sa peine sera commuée en détention à perpétuité. Et elle finira par se suicider dans sa cellule. Une façon bien personnelle de se venger une dernière fois de Deng Xiaoping. En tout cas, cette fois, la page est vraiment tournée. Mais ça n'empêche pas quelques intellectuels occidentaux de continuer à encenser la révolution culturelle. Cependant, je vous propose de revenir bientôt sur l'étonnante fascination exercée par la pensée de Mao sur notre intelligentsia. Ce sera ma manière à moi de célébrer les 40 ans de mai 68. Fascination, a dit Monsieur X. Certainement, si on en juge par les textes et proclamations de foi, écrits par de brillants intellectuels qui, pour certains, ont aujourd'hui rejoint le camp de la droite la plus atlantiste. Une seule citation. Je l'ai trouvée dans le journal Le Monde dans un article de Francis Deron, écrit tout de suite après le procès de la bande des quatre. À Paris, après le verdict, le MLF, qui n'a jamais rien dit sur le sort des Chinoises victimes du maoïsme, s'indigne de la sentence frappant Jiang Qing, qui se moquait bien de la cause féministe. Dans Le Monde du 28 janvier 1981, Jean Chesneau écrit « Nous sommes quelques-uns à ne pas renier les espoirs qu'avait portés la Chine maoïste, et ce n'est pas le dérisoire procès de Pékin qui nous en dissuadera. » Et d'ajouter « Jiang Qing ne doit pas être exécuté. » Et le journaliste d'ajouter « Le rideau peut retomber à Pékin du passé. » On n'aura pas fait table rase. L'exorcisme de l'ère maoïste en restera là jusqu'à ce que la société chinoise exige davantage. Pour terminer, je vous propose une liste de livres indispensables pour bien comprendre la révolution culturelle, à commencer par un monumental ouvrage « Les essais sur la Chine » de Simon Less, puis « La biographie de Mao Zedong » par Philippe Short, « L'histoire des services secrets chinois » de Roger Faligot, et aussi « Les massacres de la révolution culturelle » de l'historien sino-américain Tsang Yong-ki. Sans oublier un gros et passionnant roman qui vient de paraître en français, « Brothers » de Yu Hua. Sans oublier non plus le livre noir du communisme qui a recensé, sous la plume de Jean-Louis Margolin, quelques-uns des crimes commis pendant la révolution culturelle. Autant de titres dont vous pourrez retrouver les références sur franceinter.com.